Elles avaient entré un langage qui paraissait si simple et si intelligible pour moi, mais autour de moi... C'est d'ailleurs pas pourquoi ni comment cette femme a rencontré cet homme. Ils se sont rencontrés, on n'en a jamais su plus, en fait. C'est ainsi. Dieu, je vous jure, j'ai pas voulu faire exprès, j'ai pas voulu faire mal, j'ai pas voulu arracher la pâquerette. Mais tu le sais pourtant que tu ne dois pas. Les pourcentages de la bourse aujourd'hui sont à la hausse et tout le monde est très content. Sauf moi. Là. Je l'avais bien dit que cette fille était folle, complètement folle à lui. Et de toute façon, il faut l'enfermer. Il n'y a pas d'autre solution. Les diagnostics sont unanimes. Le pacte des singes est à jamais scellé, et l'histoire suit son train, hors des soufflets entre les crimes et les songes. Rien ne peut l'arrêter. Cela même qui l'exècre participe à sa course. Un jour, moi, j'ai parlé avec la lune. Et la lune, elle m'a dit des choses qui étaient tellement belles que quand j'ai fermé mes yeux, mon cœur s'est arrêté de pleurer. Et on m'a dit, la lune ne parle pas aux petites filles. Alors, je me suis dit que je n'étais pas une petite fille. Thank you. t'expliquer que dans les chambres des petites filles malades, les fenêtres étaient interdites.